de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. On se retrouve pour l'émission Hint à Brezhoneck, une émission que vous pouvez entendre en français ou en breton. En breton, c'est avec Marie-Laure Groix et il y a la première partie, Gary Warvué. En français, on essaye d'aller un peu plus loin pour vous faire connaître les chemins du breton. Et Henri Le Naou vous guide sur trois parties chaque semaine. Gary Warvué, Brezhoneck-Tan Matamb et Petra Zonevé-Arvro. Petra Zonevé-Arvro, c'est un peu le journal. Eri Kentel Pemkan, Père Adohugen, 544. On commence par Gary Warvué, en tout cas, Henri, avec quel mot aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai pensé parler d'un mot qu'on entend assez souvent, un oan, oan, O-A-N, hein, un agneau. Alors c'est un mot celtique qu'on trouve aussi dans les autres langues celtiques, hein, en cornique, en gallois et en gaélique. Et il est en vieux celtique, c'était ognos, hein, qui est voisin d'ailleurs du latin agnus. C'est la même origine indo-européenne. Alors c'est un mot masculin qui a un féminin, wannes l'agnel. C'est un mot qui a un pluriel régulier, wannet, et un pluriel irrégulier qui est ein, E-I-N, que j'ai jamais entendu personnellement, mais wannet, on disait wannet, hein. On dit toujours d'ailleurs wannet, hein. Pluriel régulier des agneaux. Wannick, IG, avec IG à la fin, c'est un petit agneau, agnelet. Voilà, agnelet, hein, c'est joli, hein. Wannin, le verbe qui veut dire agnelet pour une brebis, hein. La brebis, c'est endavades, hein. Endavades. Voilà. Alors, d'autres expressions. Wannles, l'agneau de lait. Wannvasque, l'agneau pascal. En effet, le pauvre agneau, il a la particularité d'être l'animal à sacrifier par excellence. Dans toutes les religions orientales, on sacrifie l'agneau, quoi. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, on désigne le Christ par le nom Wandui, hein, Agnus Dei en latin, hein. Et donc, l'agneau de Dieu. C'est qui est un sacrifice sans effusion de sang. Donc, comme je le disais, oui, dans de nombreuses cultures, c'est le symbole du sacrifice, et c'est aussi le symbole de la douceur, hein. Douce velonouane, hein, doux comme un agneau. Alors beaucoup d'expressions qui sont liées à ça, hein. Par exemple, l'expression en breton « boudevel bleianouan », être comme le loup et l'agneau, c'est-à-dire contradictoire, en fait, ne pas s'entraimer, si on veut dire. C'est surtout d'ailleurs le pauvre agneau qui est la victime. D'ailleurs, il y a une fable de La Fontaine, enfin, je dis de La Fontaine, mais c'est beaucoup plus ancien que ça, puisque ça vient d'Ésope chez les Grecs, hein, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et certainement de tradition plus ancienne, qui est la fable du loup et l'agneau, hein, qui commence par le vers, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Hein. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. C'est très joli. Alors c'est une fable qu'on trouve qui a été forgée par Ésope, certainement à partir de traditions plus anciennes, et ça a été repris par Phèdre, hein, plus tard. En latin. Alors, ce qui est amusant, c'est que ces fables-là, toutes ces fables de La Fontaine-là, ont été, j'allais dire traduites, mais c'est pas des traductions, adaptées en breton par Paul Tréhouré, qui était un prêtre, hein, qui est décédé en 1952, qui a participé aux premières émissions de radio en breton, hein, donc on peut encore entendre sa voix, et qui était Augustin Conc. Et donc, Il a traduit beaucoup de fables de La Fontaine, enfin réécrit des fables de La Fontaine, parce que il s'éloigne souvent du texte initial et pour donner une couleur plus bretonne. Et c'est très intéressant comme façon d'écrire. Alors lui, il n'emploie pas le mot wand pour l'agneau, il emploie le mot d'envadig, hein, donc diminutif de d'envad, hein, qui désigne le mouton. Et ouais, divinitif, hein, de Don Vadin. Voilà. Alors, il y a aussi un nom de famille, Le Noan, hein, Le Noan, qui vient directement de là. Et j'avais une belle-sœur de ma grand-mère, donc une grande-tante, qui s'appelait Philomène Le Noan. Et quand ma grand-mère était un peu irritée contre elle, ça lui arrivait, elle l'appelait Enoannes, l'Agniel. Mais en fait, ça se fait couramment, ça se faisait couramment en breton. D'utiliser les mots propres, les noms propres comme des noms communs. Donc, c'était pas faux de dire Enoannes, mais c'était seulement quand il y avait un petit conflit entre elles, quoi. Voilà. Et puis pour terminer, un petit proverbe de Heuyeblay, Nac de Noan. L'agneau ne va pas suivre le loup. Il a raison d'ailleurs. Exactement. On en reste là, Henri. On va en rester là. Allez, on passe à Brézonnec dans ma tombe. Brézonnec dans ma tombe se passe aujourd'hui à Kerzolek. Ah, Kerzolek, qu'est-ce que je raconte? À Zantolek. Henri, c'est Zantolek? C'est Zantolek, oui. Bon, voilà, on va pas un peu de géographie quand même. Donc oui, Zantolek, hein, on le rappelle, qui est une petite commune entre Trémargat, Pemrit et Lanrivain. Ouais. Voilà, il n'y a qu'à chercher ça sur la carte. Il y a aussi Poulderien à côté. Ah ouais, Poulderien à côté, oui. Qui est à peu près au même endroit. Oui, mais un peu décalé. L'autre côté du Blavet. C'est ça. C'est Chanik qui part voir le président des boulistes. Des boulistes, oui. Qui s'appelle André Argac, qui habite Kerverne. Mmh. Voilà, alors on les écoute. Salut André. Mad je gandor. Ja, ne ce que te glem, Chanik. L'arrêt d'Inta, André. Oui, et président d'un bouliste? Ja, Chanik, président d'un strolat Berter Boulo, so bézav et triver lasso, gantut de Zantolek, à de spouderien. En mon ba boulodrome Zantolek? Ja, Chanik, on est glasso et bézav et, or boulodrome ker et, tutso et lavar, mames et iliseur boulo. Agalies et verroiriet boulo, vraiment? Oh, ja, bem di peveklou à roi, un amzer. Plusieurs adorés gros au bureau parti, à Gavéjo, au étudio Wang, divéjeur mis, au vegret en mort, scolaire boulot évité, à basse-col, évident tapou, avait dit que der Vugalis, Hoyboul, Ivé, Asi Obligkas der Vugalis, Aga Vugalis, Gomes Brezonok, Zis Brezonok Baskol, avec Ed Petra et Brezonok. Donnerin, Hervé Benak et Davelezé. Yaya Mapeswan, Chandik. Allez, on reprend. Le dialogue, le petit dialogue entre Chandik et André. Salut André, Madar Jugandar. Oui, ça va. Il y a Chandik, ne ce que d'Aglem. Il n'y a pas à se plaindre. La Riddinta, André. Oui, et président d'Arvoulistet. Oui, dites-moi André, vous êtes le président des boulistes. Alors, Arvoulistet, hein, c'est un pluriel de nom de personne qui ne se termine pas en ou. Donc, il y a une mutation. Hein. Bouliste donne Arvoulistet. Voilà, mutation adoucissante. Ya, Chandik, présidente Herstrolat Berdarboulo. Oui, je suis le président de l'association Berdarboulo. Alors là, c'est difficile à traduire, c'est suce au boule, allons au boule. Hein. C'est presque intraduisible, ça. C'est un cri du cœur. Voilà, Berdarboulo, ouais. Betzavet Trivervasso, Gantut de Saint-Olec à De Spouderien. Oui, qui a été créé il y a 18 ans par des gens de Saint-Olec, Saint-Olec et de Plouderien. Donc c'est intercommunal. À Gamman, on bat à Boulodrome Zantolek. Et ici, on est dans le Boulodrome de Zantolek. Ah, il y a Chandik. Unek Vlasso et Betzavet. Oui, il a été construit il y a 11 ans. Alors, Boulodrome Kerre. C'est un beau Boulodrome. J'arrive pas à te lire. Tude Lavarde et Iliseur Boulo. Tudzo et Lavarde et Iliseur Boulo. Certains disent même que c'est le temple des boules. Voilà. À Galiès, c'est Verroirier de Boulot en Mans. Et on joue souvent aux boules ici. Ah, ya. Même des pavés clous à avoir en Amza. Oui, quand le temps est assez doux, assez tiède, hein, si, littéralement, on peut jouer tous les jours. Pligera d'Arego, Zoberer Barti. Oui, alors, si on traduisait littéralement, c'est « il plaît aux anciens, régose, hein, aux vieux, de faire une partie ». Alors, on dit « parti », hein, tout simplement. Hein. À Gavéchou et Veillé, Tudio Hank. Et de temps en temps, il y a aussi des jeunes. Dieu Véchezune. Amis. Ah, Dieu Véchermise et Végrède en Mans, Scolar Boulaou, Évité. Oui, deux fois par mois, on fait ici l'école des boules pour eux. Alors, il y a déjà eu des émissions qui parlaient de ça. Ah bah, Skol, évite en tapou, et desquet roi boulot d'Arvugale. En oui. Tapou. Ah oui, alors à l'école, pour les tapes, hein, les temps d'activité périscolaire, là, hein, dans la nouvelle réforme, là, pour les tapes, donc on apprend aux enfants à jouer aux boules aussi. Azé oblige d'Arvugale. Et ça plaît beaucoup aux enfants. À Arvugale. Et les enfants, ces enfants-là apprennent le breton à l'école. C'est tu Végret Peptra et Brezonek. Si bien que tout est fait en breton. Donarine. Ah, je viendrai. Norvège Béninquette d'avait lésé. Une fois pour voir ça. Répond Chandik. Et on termine. On passe à Petra, zone Vervo, Eric. Voilà. Éric Pétraz au Névervon. Randelard Rondra, dies amanche aux eaux quand Nurzater radio. C'est une mondreuse, un trou, avec l'aide de Bepsortrou, avec musique de Spagne, avec bénéfine, calzabadé, nous ne sommes que Beclet, n'est que Beclet, vous devez RKB. Bon, Jean Jalrand, ne suis pas meuse, voilà que d'un trou et Nurz, prestique. Hey, quoi, là, un trou. Bon, Hendels, au calze, drôné, et ben, Boervej Diouzan, à Kram de Grog, il veut qu'ils accustent une grande la bourdouar, ag vu e war ar mez. E ruyon bremañ ba fin eus miz me, hein, prestigman miz even, a benefin eus o bet o ban ar dour, ka aioazer en trao am eus mestras o bet o ban ar dour, a zez o bemad vid eus labour douar, vel vid un trevadou vid maiz hag un iot, zez eus gret kalz vat. War dachen eus labour douar c'hoaz, a liz meus bekom zetar de Stéphane Orfol, en Breizad, zoet, ministre là pour douar. Hag, demzonge, un dense, un esgret, il seiz possup, et vite gwellad un trou, pas d'un homme zon m'embête, bah, ministère là pour douar. Bon, vraiment, et disant, me de Stéphane Orfol de Zigarg, hag, ministre, elle, zo behandvet, Jacques Mézard, moi que Beclé, comte de son roi, a zo deux, de Zmenéjou, Kreisbro, France, de zo Hantal, Vélarin Mott. Hag ministre niveau que calzam dans de une vraie alka travoir gudé nous au un drodan grande prise de l'est prise de hitch à calz de trowel azur niveau là pour voir voir un dachen voir dachen là pour dou à roas pour trider au bé de leurs us une tremaine de salon sterali bas en briec à garras au bé de calz de dut à calz de londet. Warland et Wakebe Gualvard en trou, mais blanc même, moi, pelle Gualvard, plutôt, zo, pem warnug en mille dudes, zo bête, hein, salon, zo, là, bourdouard, zo. Hindel, vichon, wardash, en, là, bourdouard, zad, en, hugen, le mismay, zo, bé, bal, norian, au manifestat, en, de no, GM, et, plus dur, dreport, zo, norian, ve, digas, et, bé, plat, Where can Milton soya soja or OGM et ag manifestat ag zo oa evit eneb de louzeyer chimik pur kalz de louzeyer chimik zo liam men jizmat gant un OGM et vejen am zo kontandar de zo out bris du ag neus ke gwal bel zo oa zo bet va plou garnet vel ba ferme bus sonan a zo bet on em vod gant tout de zavirien, enfin pas tout, mais on e bamad de ze zavirien douar hag ra gant de lond el se bet ar bet nan non ke bet non ke bet gret me la tersa den gant tu de le buisson non aïe aïe hag blanc me oa bet inor de wenze ba salon ze la bour douar hag azo oa kalz du de hag zo zavirien de ze lond se avec zo bon zi zo ma dan vid la kat de hanau de wenz bon dan boa dachen en endro vraiment ba misio de zon de vos clèves et calz comb soas de ze herbors di tront varia l'aneia pu dur vos hangle do médiateur vid zela dagez zo moyen d'or endel Nicolas Hulot, Arnes Combs, zo ministre neve un endro, Arnes Lar, da trezen, ve febe de Gren Hindel, mais ne que gwal sclère, oaz en trou, gwal en zvo pesamot vo kon, gant rak treskos, pe dior, zvend de Hugen Lasso, ve Combs de ze. Dans mon temps, vraiment, oar dache en or politique RS. Jean-Yves Le Drian, oa ba skip aï ministre rog, oa bid ar votat ag vid ar prezident, hag eus o chombet ba skip a neve, pe so c'hall tri, ka e bopet ve chanche tout de ministret, vinistret pe la rin mod, me hem eus o chombet hag me meustra na lo ke chomb prezident randvro breiz, red o dan dilez li garg, ben o nebade o vo laket o nel, vo hamnet o nel ve le prezident breiz. Richard Ferrand, zo de Zevro, a rezo, zo ba, zo, haun en ministre, Voir que la guinchombe, quand t'en m'occuper, nous, de bête, ouais, moi, zo bête, or, penat scrive, war non, war, or, gazette, un, nouette chardonnette, le canard enchaîné, hag, von, quand t'en m'occuper, nous. Hendel, deux oreilles au lion, me grand braise, en me, Nicolas Hulot, au chombe à bros en malo, et au rand, vingt ministres, n'écologies. Bon, c'est au neuf de ce brobraise en meso. Bah, ce qui paye un ministre. Ah, vraiment, zo, une drogue, zo firvi, de rotas, votade, que vit un député, et, à Milardars, au tuloir ring, et vit département d'eau d'où un arvor, zo triatriugen, war ring, triatriugen, et vit pem, poste. Hag evit bro, korn bro, gwen gant bro stren, zo daouz war, war un dach, war un rank, hag evit la nu un pempoul zo perzek. Hag an se, o red di ba, ben, neskerez, zi ba bo nan de se. Gwe, le dvo pe sa mo dvo kon. Dan mon tam, war un dach en zevena d'yon breman. Do ugen lasso, oabed zavet, tient an skol di wan, Ag kevridigus di wan eus obet au lit danse, kruaidigus di wan eus obet pelar in mad o guir burzu de vibreiz, ka hendel ve fek bekal se vugale kap de gomz brezonek. Hag fanny chauffin eus o an av un mad gant meske brezone gerien un eus skrive de lever, war histor di wan. Deja oa be skrive de lever gant Charles Perrazi, war ze, war me pel zo boet e... Hag, vraiment, zo scrive de l'Ever War, histoire d'Iwan, 40 ans déjà. Jongemeuse, moi, comme ze tarp et comme ze leveria ou de zervé hors borgne, ze scrive de l'Ever War, d'Iwar Napoléon, bué Napoléon, hag, Napoléon Breizat, hag, remar et mort, m'en labourat, war, au l'Ever, Diwar ben nan oio badeyan brezondok. Ne ket eo mez oaz, me man labour a oaze. Kom se rand dar ve genam se rive, de zabat yon diskuiz mat, galak vela ze bon repo, ni man brezondok ve gel lare bon ar ekuyem. Ze zo de ze latin, hein. Hag bon tregond la soz o tud o labourad vid radzev un abati, a zo ged o bern labo, hein. Jonge meus pe oa un abati meskendrez a kwet kai kwet tout, hein. Hag o bern labo zo begret. A mam eus un abati zo deud de voud o sort d'ar ouez breiz, setu pe sa pereg e bet rangne de ur bar ouz neve, bon repos sur blavé. Zo barz, l'aniskat, zan gelven, a peret. Hag, neveso na han, oa lid d'un tregond vla, ur strolado, un diou strolad ra, war dro un abati. Hag, Hervé Pochon, zo an den an eus bet la bourre kals, an eus bet, medal an un tourisme vise. Neus ke gwal belzo, vid pur vichon montant war dach en ar brezhonek, eus o bet balant gond eus gwell ar brezhonek, radlans eus gwell ar brezhonek. Hag vin ur vich chant an eke fal, me zang zo bet kalze dut. O pas tiem me velo a gwegel, men me mestra spizo de radlans an gwell ar brezhonek. Hag pe on komz de ze, juz mad, ne veso zo bet spendo handbug lotis ki brezhonek ba bro kreiz breiz an me. Au camp, en bas, brezon, bas, carès, à zézo betker, l'un de chou, ou à zal glenmor, dans, dristol, quand tu de, scolidi, à zézo bras, hein, vide d'un nom, genre de zone. Hendel, vége, ou de content d'art de scandérien, de zone aérienne, rappeladé, nous, braise, brovrance, et, braise, vegan mu, en, bladé, nous. Da skouer de Christmen gret ur blad an nevesso a zo hanglet non gusum i deus an daou alijen. Meus ket klen mand beroaz da se, me zo war mand reist. Hag hendel zo ur ganer eus Clarisse Lavenant neus imbanned o blad an kanoen ou e galag hag e brezhonek. dans Donner Bros ou à la guitare. Origel moi l'art à tard ou à Michel Simon de Zrostren au échu et au élève de Warben Philomena Cadoré. Philomena Cadoré de The Hound Blue and Cool Migarvor. A gueulé varzeuse au nevez de Metz avec le moyen de grand nom bah tire gazetine ou bah Rostren. Bon, mais je vois raconte Tindar au Vigel de Siwas. Juste me zone droit de l'Arwas, voir Toshen Zandveltas, ma carnoët zobid, qui zélet pem zand neve, aux antes à perzand, pelarenda. Mat, ag prestige vouroise au chanturel. C'est une derrière en trou, non noirog, voir Toshen Zandveltas, ma carnoët. Velar traunien dans Zenbed, et que non traunien et petit homme voir un nul. Bon, c'est une même brèle, on tombe trop de spéçonner, bavro. Tiens, on vigèle, Morgane.